La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce début de semaine pour évoquer jusqu'à jeudi la vie et l'œuvre d'un grand écrivain français qui est notre contemporain, Patrick Modiano. Enfin, est-il notre contemporain d'ailleurs ? N'est-il pas plutôt le contemporain de ces figures disparues dans la nuit de la Seconde Guerre mondiale ? Lui qui ne s'est jamais senti de plein pied avec ceux de sa génération, qui s'est toujours intéressé aux traces et qui a écrit dans son roman « Rue des boutiques obscures » que dans la vie, ce n'est pas l'avenir qui compte, c'est le passé. Contemporain pourtant, Modiano l'est assurément, notamment dans sa manière de parler de lui sur un mode qui rappelle l'autofiction, quoique toujours avec pudeur et sans aucun narcissisme. Il l'est également contemporain dans sa manière de mêler l'enquête au récit et le document à la fiction. Tout cela, nous tâcherons d'en parler demain avec Bruno Blankmann lors du parcours de l'œuvre que nous ferons avec lui. Et puis mercredi, nous nous arrêterons sur le rapport de Modiano à la période de l'occupation, avant jeudi de parler de deux livres en particulier, Accident nocturne ainsi que La petite bijou. Et aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, nous allons raconter la vie de Patrick Modiano, du moins durant ses premières années, jusqu'à la publication de son premier roman, La place de l'étoile, en 1968. Nous sommes pour ce faire avec Denis Cosnard, auteur de l'essai intitulé « Dans la peau de Patrick Modiano », édité chez Fayard en 2010, et qui a obtenu le grand prix de l'essai de la Société des gens de lettres. Il est par ailleurs journaliste au Monde et a créé le site internet « Le réseau Modiano », entièrement consacré à l'écrivain. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je me sens un peu mal à l'aise avec la biographie parce que la biographie ne donnerait pas cette impression que j'ai maintenant. Il manquerait d'un certain mystère parce qu'une biographie, c'est quand même quelque chose qui... C'est un genre où je me sens mal à l'aise parce qu'il y a un ton biographique qui est un peu étrange et... Étrange au sens de inquisiteur, au sens de déconnecté de la réalité. Oui, en fait, quand vous écrivez une biographie, parce qu'évidemment, je me sers de beaucoup d'éléments de... De votre vie. Oui, mais en même temps, si c'était une stricte biographie, ça risquait... Il y a une sorte de pause biographique qui m'est un peu... que j'arrive pas très bien à... Une sorte de pause comme ça, un manque de souplesse où les choses, où vous êtes quand même obligé d'expliciter les choses d'une manière un peu, et donc elles perdent de leur mystère. Alors donc, on peut peut-être arriver à quelque chose de plus juste si vous le faites basculer dans une sorte d'imaginaire d'Oniris, parce que les choses prendront, ce sera plus proche peut-être de la réalité. Patrick Modiano et son grain de voix, toujours un peu adolescent, interrogé par François Bunel, c'était le 8 octobre 2012. Bonjour Denis Cosnard. Bonjour. Alors vous n'avez pas écrit à proprement parler une biographie de Patrick Modiano, mais plutôt une sorte d'enquête. Vous acceptez ce terme-là, d'enquête ? Oui, une enquête littéraire. Oui, le moment de la biographie est sans doute pas venu. C'est trop tôt, il aurait fallu que j'enquête, que j'interroge Patrick Modiano lui-même et puis tous ceux qui l'ont connu, ça aurait été un autre travail. Moi j'ai essayé de le connaître à travers ses livres finalement, à travers ses textes. Et c'est ça l'essentiel de l'enquête que j'ai menée, c'était à travers... J'ai essayé d'être un lecteur aguerri. Et finalement, Modiano y invite lui-même. Ses livres sont l'accumulation de ses livres, la façon dont ils se renvoient les uns aux autres. C'est une façon aussi, et tous les indices qu'il laisse à la portée des lecteurs, c'est une façon, c'est une invitation, je crois, à jouer un petit peu les détectives à travers les lignes de son œuvre. Et puis lui-même est un peu un enquêteur aussi. Bien sûr, c'est un enquêteur. Il a mené énormément d'enquêtes sur des tas de personnages ses enquêtes nourrissent des cahiers dans lesquels il écrit des tas de choses de façon un peu, alors là, de façon un peu inquisitrice, de façon sans aucun mystère, pour reprendre ses propos. Et puis ensuite, il part de cette réalité, de tout ce qu'il a amassé comme renseignement, de ses faits divers, de ses documents, de ses coupures de presse, de tout ce qu'il a noté. Et puis, il en fait des romans assez extraordinaires. Grâce à cette couche de brouillard, de mystère qu'il vaporise, pour reprendre son terme, qu'il vaporise sur la réalité. Et justement, c'est peut-être ça aussi que vous avez voulu faire, ne pas objectiver la vie de cet écrivain qui, précisément, vaporise un petit peu de mystère. Alors moi, j'essayais un petit peu de j'ai trouvé que c'était une invitation à jouer quand même au détective et à essayer de comprendre comment d'où venaient ces personnages, d'où venaient ces noms, comment est-ce qu'on peut enlever une dose de mystère, sans doute. Et en fait, j'ai le sentiment que ça enrichissait plutôt la lecture. Ça donne, c'est autre chose. Moi, mon travail n'est pas du tout un travail romanesque. C'est un travail d'essai. C'est pas non plus un travail biographique. J'essaie juste de décrypter, de lire, d'essayer de créer de voir un petit peu quelles sont les liaisons qui peuvent y avoir entre les différents livres. Et je trouve que ça enrichit plutôt la lecture. C'est quoi votre rapport personnel avec la littérature de Modiano? Je crois que vous l'avez découvert très jeune. Vous avez commencé par lire Livret de famille. Oui, quand j'étais ado, tout bêtement, j'ai lu Modiano. J'étais très frappé parce que moi, j'aimais beaucoup à l'époque un groupe qui s'appelait Malicorne, un groupe de folk, dans lequel il y avait un musicien qui s'appelle Hugues de Courson. Et puis, j'avais le nom d'Hugues de Courson en tête comme un des musiciens de ce groupe. Et puis, j'ai découvert dans Livret de famille que tout d'un coup, il était question d'Hugues de Courson. Et je me suis dit, ah, mais c'est incroyable, on a le droit de parler de personnages réels dans des romans. Et alors là, tout d'un coup, un univers s'est ouvert devant moi. Et depuis, je suis toujours sur cette question-là, finalement. Comment on peut parler, comment on arrive à injecter des personnages vrais dans de la fiction? On parlera tout à l'heure d'Hugues de Courson, parce qu'il a eu aussi une importance dans la vie de Patrick Modiano, de Nick Osnard. Faut signaler quand même que vous animez donc ce site qui s'appelle le réseau Modiano. Vous êtes un peu compulsif, hein, parce que vous mettez absolument tout ce qu'il y a sur Modiano, sur vos pages. Sûrement pas tout. Oui, j'ai un côté un peu collectionneur. Ouais. Enfin, vous mettez par exemple qu'il y a un nouveau texte de Patrick Modiano qui sort ces jours-ci. C'est une préface qu'il a écrite pour le livre « Police des temps noirs, France 1939-1945 ». C'est un livre de l'historien Jean-Marc Berlière aux éditions Perrin. Et alors là, on est tout à fait dans le modianesque pour ce qui concerne les obsessions de cette période 1939-1945. C'est vrai que la Gestapo française de la rue Lauriston a nourri une grande partie de l'œuvre de Patrick Modiano. Il est toujours là-dedans. Alors peut-être un petit peu moins qu'avant, mais oui, s'il y a un matériau qui a nourri toute son œuvre du premier jusqu'au dernier livre et jusqu'à ce texte qui paraît, je crois, cette semaine, oui, c'est bien la période de l'occupation, la Gestapo française de la rue Lauriston et les quelques personnages qui s'agitaient autour de Bonny, de Pierre Bonny et Henri Lafont, le patron de la Gestapo française. C'est des personnages qui, effectivement, sont éminemment romanesque, puisque c'est des gens qui étaient vraiment des hors-la-loi avant la guerre, qui pour beaucoup étaient en prison, et puis qui grâce à la guerre, grâce aux nazis, on les a sortis de prison, ces délinquants, et puis on en a fait les rois de Paris, ou les rois de France même, allez, pendant quelques années. Donc effectivement, un renversement de situation complet, et ils avaient tout pouvoir. Ils faisaient à la fois de la basse police, de l'espionnage, du marché noir, des trafics en tout genre. C'est des personnages très romanesques. Mais Modiano s'y est intéressé pour des raisons beaucoup plus personnelles, je crois, qui renvoient là à sa biographie et à l'histoire de son père. Dont on va parler, évidemment. Il faut dire quand même que même si l'occupation est évidemment très importante dans son œuvre romanesque, il n'y a pas que ça. Il y a un certain nombre de faits divers, par exemple, dont on pourrait parler brièvement. Par exemple, l'enlèvement du petit Peugeot, le fils Peugeot. Oui, il y a des tas d'événements, de faits divers. Modiano a dit qu'il connaissait par cœur tous les faits divers, enfin peut-être pas par cœur, mais qu'il connaissait tous les faits divers, en tout cas des années 30 aux années 60. Et je crois que c'est vrai. Et ces faits divers qui sont pas du tout choisis au hasard, il prend des faits divers qui lui parlent d'une façon ou d'une autre, comme l'enlèvement du petit Éric Peugeot, qui ont fait la une ou qui sont complètement oubliés pour certains. Et puis, il en garde, souvent, ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il ne garde pas l'aspect le plus crapuleux, mais il garde un nom, un personnage, un décor, un numéro de téléphone, un vague début d'intrigue, l'affaire Ben Barka, par exemple, qui est beaucoup plus connue. L'affaire Profumo aussi. L'affaire Profumo, voilà, c'est des affaires qui ont défrayé la chronique, qui ont des tas d'aspects politiques, scandaleux, etc. Modiano, souvent, les prend pour base, mais ne garde que voilà deux trois personnages, et ça nourrit son imagination. Il y a toute cette couche de brouillard, de mystère qui s'ajoute et qui fait que le lecteur d'aujourd'hui, le lecteur lambda, aura bien du mal à découvrir, à retrouver l'affaire Ben Barka dans tel ou tel livre, ou l'affaire Profumo dans un autre. Mais en fait, il y a tellement de couches, il y a tellement de brouillard qu'il faudrait passer cette œuvre au rayon X. Et si on la passait au rayon X de Denis Cosnard, on y trouverait peut-être de la poésie, on y trouverait peut-être des vers d'Apollinaire et des vers de Maeterlinck. On y trouve des tas de choses, effectivement, parce que Modiano, c'est tout ce qui... C'est pour ça que j'ai essayé de me mettre, peut-être pas dans sa peau, mais dans son atelier, de le voir à l'œuvre. Effectivement, il ne prend pas seulement les personnages de la Gestapo française de la rue Lauriston ou ceux de l'affaire Profumo ou de l'affaire Ben Barka, ou ses parents. Il ajoute aussi, effectivement, les vers qu'il a gardés en tête. Il travaille. Il donne pas cette impression. Ça donne jamais l'impression d'être un... l'impression d'être un bourreau de travail. Mais en fait, évidemment, ces textes sont extrêmement travaillés. Il y a parfois des rimes qui reviennent, les personnages qui reviennent, les adresses, les numéros de téléphone qui reviennent. C'est aussi un travail de rime, finalement. Donc c'est évidemment un travail extrêmement littéraire. C'est pour ça que c'est un grand écrivain. Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt, 11 allée Marguerite, d'un juif et d'une flamande qui s'étaient connus à Paris sous l'occupation. J'écris « juif » en ignorant ce que le mot signifiait vraiment pour mon père et parce qu'il était mentionné à l'époque sur les cartes d'identité. Les périodes de haute turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et encore moins un héritier. Ma mère est née en 1918 à Anvers. Elle a passé son enfance dans un faubourg de cette ville. Son père était ouvrier, puis aide-géomètre. Son grand-père maternel, Louis Bogert, docker. Il est mort au travail. Adolescente, ma mère est inscrite au Faucon Rouge. Elle travaille à la Compagnie du Gaz. Le soir, elle suit des cours d'art dramatique. En 1938, elle est recrutée par le cinéaste et producteur Jan van der Heijden pour tourner dans ses comédies flamandes. Quatre films de 1938 à 1941. Elle a été girl dans des revues de musicals à Anvers et Bruxelles. Et parmi les danseuses et les artistes, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient d'Allemagne. C'était une jolie fille au cœur sec. Son fiancé lui avait offert un chouchou, mais elle ne s'occupait pas de lui et le confiait à différentes personnes, comme elle le fera plus tard avec moi. Le chouchou s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu'il me touche infiniment. Et que je me sens très proche de lui. La Compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait d'un Pédigré, livre autobiographique de Patrick Modiano, interprété ici par Guillaume Gallienne. Alors cet extrait de Denis Cosnard, il commence par une date de naissance, c'est celle du 30 juillet 1945. Rassurez-nous tout de suite, c'est la vraie date de naissance de Patrick Modiano ? C'est la bonne ? C'est la bonne. Il n'a pas toujours donné sa bonne date de naissance. Il a pendant longtemps, il a donné une autre date qui était le 30 juillet 1947, donc deux ans plus tard. Et ça a duré. Il a pas donné aussi 1943 parfois. Oui, 43, il a triché, oui, il a un peu triché. Mais enfin, celle qui a pendant longtemps figuré, était la date officielle de naissance, c'était effectivement juillet 1947. C'est celle qui figurait au dos de ses romans pendant une dizaine d'années tout de même, et qu'il revendiquait à la radio. Vous aurez peut-être retrouvé quelques archives où on entend dire, bah voilà, moi qui suis né en 47, etc. Et effectivement, c'est un mensonge sur lequel je me suis beaucoup interrogé. Alors, on peut dire que tout romancier est un fabricant de mensonges, donc c'est pas très, il s'agit pas de le lui reprocher. Mais pour le lecteur, effectivement, c'est un peu troublant de découvrir que finalement, pendant 10 ans, il a donné une date que c'était pas la bonne pour des raisons. Peu importe, il en a donné une mise à distance de la période de la guerre, par exemple. Oui, oui, ça, évidemment, ça met à distance la période de la guerre. En tout cas, voilà, pour le lecteur, ça a des effets de sens, parce que ça éloigne de la guerre, parce qu'au départ, effectivement, les notices au dos des couvertures disaient, ben voilà, il n'a aucun rapport avec la guerre, puisqu'il est né en 1947. On comprend que non, il est né en 45, il a été conçu en 44, donc il est profondément lié à la guerre et jamais ses parents ne se seraient rencontrés sans la guerre. Et puis, évidemment, la date de 47, il l'a dit, cette date m'a suivi, je l'ai travaillé, ça m'a travaillé longtemps parce que 47, c'est aussi la date de naissance l'année de naissance de son frère, de son petit frère, Rudy, qui était un enfant un frère qui comptait énormément pour Patrick Modiano, son seul frère, et ce frère est mort en 1957. Ça a été un traumatisme gigantesque pour Patrick Modiano. Et évidemment, quand il dit « je suis né en 47 », c'est une certaine façon de dire « je suis peut-être un peu le jumeau de mon frère » ou « je prends la place de mon frère », je ne sais pas exactement. Mais forcément, le lecteur, quand il lit à la fois les vieilles notices « je suis né en 1947 » et puis qu'il lit un pédigré où Modiano dit « je suis né en 45, mon frère est né en 47 », ne peut que s'interroger. D'ailleurs, il va dédier tous ses premiers livres, peut-être les 8 premiers, oui, à son frère mort. Oui, c'est effectivement c'est un personnage, ce Rudy, sur lequel Modiano s'est très peu étendu, très peu épanché, parce que c'est un homme éminemment pudique, et puis que là, on touche vraiment une faille essentielle, un traumatisme décisif. Parce que c'était de lui dont il était réellement proche, finalement, dans la famille. Semble-t-il. On a du mal à savoir effectivement ce qui s'est passé, mais à le lire, en tout cas. Moi, j'ai rencontré des gens qui connaissaient la famille Modiano dans ces années-là et qui m'ont dit, mais c'était sympa comme tous chez les Modiano. Moi, j'adorais jouer avec Patrick et Rudy le jeudi. Qu'est-ce qu'on rigolait? Ses parents étaient super sympas. À lire un pédigré, ça n'est pas ce que Patrick Modiano a profondément ressenti quand il se compare à ce Chocho qui s'est suicidé en se jetant par la fenêtre tellement il n'était pas aimé. On comprend bien, c'est un enfant qui s'est senti mal aimé. Et effectivement, dans cette famille un peu dysfonctionnelle, comme on dirait aujourd'hui, Rudy était un point d'ancrage essentiel pour Patrick Modiano. Et donc, la mort de Rudy en 47, et puis, voilà, ça a été le point de déclenchement aussi, parce que les parents, ensuite, au bout de quelques années, se sont séparés, et le petit Patrick, ou le Patrick Modiano, le patoche adolescent, s'est retrouvé un peu esselé. Et baladé aussi. Baladé, envoyé de collège en collège. Il revenait de temps en temps à Paris, qu'est Conti, où habitaient ses parents, mais dans des appartements séparés. Et voilà, il a toujours eu ce sentiment de quelque chose qui s'était défait. Alors vous dites le petit Patrick de Nicosnard, est-ce que vous ne devriez pas plutôt dire le petit Jean? Parce que non seulement sa date de naissance n'est pas exactement celle qu'on croit, mais son prénom n'est pas non plus exactement celui qu'on croit. Oui, il s'appelle, ses papiers d'identité, c'est Jean-Patrick Modiano. Alors Patrick est son deuxième prénom, je pense que c'est quand même celui qui a toujours été, ou pratiquement toujours été employé par sa famille, par ses proches. Mais effectivement, c'est une donnée qui compte, parce que s'il y a tant de personnages qui s'appellent, et de personnages principaux, en particulier de narrateurs qui s'appellent Jean dans ses livres, c'est évidemment pas tout à fait un hasard. Et pour le lecteur, une fois encore, ça a du sens. Alors, il faut revenir un peu plus longuement sur les parents de Patrick Modiano, et puis même au-delà, sur l'ascendance paternelle, d'abord, de Patrick Modiano, qui sont une famille d'origine juive séfarade. Alors, Modiano, ça sonne italien. Oui. Mais c'est une famille qui vivait en Grèce, c'est ça ? C'est une famille, oui, ce sont des juifs séfarades de Salonique. Salonique était une grande, grande ville juive, la Jérusalem des Balkans, disait-on. Et donc, voilà, c'était une grande famille très, très, très juive, très pieuse. Il y avait des rabbins, des rabbins dans la famille. Tout à fait, des érudits, des gens qui ont écrit des textes tout à fait sérieux sur la religion juive. Et puis, bah, voilà, comme beaucoup de juifs de Salonique, cette famille est partie ensuite, d'abord pour Alexandrie, ensuite pour Caracas au Venezuela, et puis il y a un des membres de la famille qui est arrivé à Paris. Et voilà, Patrick Modiano, c'est comme ça que voilà son père s'est retrouvé petit garçon à Paris. Son père donc, il s'appelait Alberto ou Albert ou Aldo. Son père s'est retrouvé donc voilà adolescent dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Mais autant on sent bien Paris chez Patrick Modiano, autant on sent pas tellement la Méditerranée, on sent pas tellement Caracas non plus. Alors non, on la sent pas tellement. On la voit un petit peu à travers le personnage du père qui figure notamment dans la place de l'Étoile. De temps en temps, voilà, on a un Rastaquer un peu un juif cosmopolite, un peu séfarade, voilà, qui parle beaucoup. Donc un peu ça, Albert Cohen. Voilà, on retrouve un petit peu cette filiation là. Mais voilà, c'est pas évidemment le personnage central de l'ensemble de son œuvre. Alors Albert Modiano, il naît donc Gare du Nord en 1912, enfin dans le quartier hein, de la Gare du Nord. Et alors il fait des affaires, mais il fait des affaires un peu avec tout le monde, et y compris pendant la guerre, bien qu'il soit juif lui-même, avec les nazis. Enfin, il est un petit intermédiaire qui n'est pas très regardant finalement sur les personnes qu'il met en relation. Bah, c'est-à-dire que il a choisi de se cacher pendant la guerre. Donc, il ne s'est pas déclaré, donc il ne portait pas l'étoile jaune, donc il fallait se cacher. Et donc il avait pris un faux nom, ou plusieurs faux noms, en tout cas au moins un, celui de Henri Lagroix. Il se cachait et il vivait d'expédients, comme dit son fils dans ses livres. Donc il faisait des affaires, du marché noir, du marché brun. Il y avait effectivement un certain nombre d'officines, des bureaux d'achat, qui eux non plus n'étaient pas trop regardants. Il s'agissait finalement, pour les Allemands qui avaient mis ce système en place, de piller la France. Et donc, ils achetaient plutôt à un bon prix tout ce qui se présentait. Il n'y avait pas besoin de présenter ce papier d'identité, c'était très bien comme ça. Et finalement, Albert Modiano, sous quelques noms qu'il est employé, qu'il est utilisé, il a survécu grâce à ça, grâce à toutes ces petites affaires, pas forcément formidables, pas forcément d'une honnêteté resplendissante, mais c'est comme même comme cela qu'il a réussi à survivre. Oui, mais c'est pas sans importance, parce que partout dans l'œuvre de Patrick Modiano, on sent cette idée que finalement, pendant la période de l'occupation, tout était très mêlé, oui, très mélangé. Le père de Modiano avait bien connu différentes personnes qui étaient aussi un petit peu dans ces eaux troubles, proches de la collaboration et bien en sûr même temps juives. Il y avait par exemple la jeune actrice juive allemande Ella Hartwich. Vous pouvez, oui, peut-être nous dire un mot. Oui, il a rencontré. Bah, ça fait partie effectivement c'est une jeune actrice juive allemande qui avait vécu avec Billy Wilder, le cinéaste, jusqu'à ce que Billy Wilder parte pour les États-Unis. Voilà, effectivement. Et elle a été arrêtée en 42 avec Albert Modiano. Donc effectivement, c'est une des scènes importantes dans la vie d'Albert Modiano et dans l'imaginaire de son fils. C'est les arrestations, dont celle-ci, les arrestations d'Albert Modiano. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il a réussi à s'échapper. Et finalement, son fils s'est toujours interrogé, mais comment mon père a-t-il pu s'échapper ? À chaque fois, il y a eu quelqu'un, des circonstances qui lui ont permis de s'échapper. Et qui est ce quelqu'un qui a permis à mon père de s'échapper, qui a permis à mon père de survivre, de ne pas être envoyé à la déportation, et donc qui m'a permis à moi, à Patrick Modiano, de vivre. Et Modiano s'est imaginé, sans avoir la moindre preuve, que ça pouvait être effectivement soit un officier allemand, soit un de ces anciens repris de justice devenu membre de ce qu'on appelait la Carlingue, donc la Gestapo française de la rue Lauriston, ces gens qui avaient tout pouvoir pendant les années 40 et que Albert Modiano fréquentait, semble-t-il, plus ou moins. Donc tout ça a incité Modiano à fouiller les archives. Il y a eu un procès de la Gestapo de la rue Lauriston dont il a lu évidemment l'intégralité. Il a lu tous les articles qui ont été publiés dans la presse à ce moment-là. Il a fait son enquête. Il n'a rien trouvé, mais il n'a trouvé aucune preuve lui permettant de comprendre comment son père avait été sauvé, mais tout ce qu'il a trouvé, ça a nourri son œuvre de façon extraordinaire. Alors sa mère aussi navigue un petit peu entre ces eaux troubles. Elle est d'origine flamande. D'ailleurs, Patrick Modiano a parlé pendant deux ans, le flamand, c'était sa langue maternelle. En fait, il écrit en français. C'était le prix Nobel français, le dernier de littérature, mais il n'a pas appris à parler dans cette langue-là. Voilà. Et alors, elle, c'est une actrice. On l'a entendu un petit peu dans la lecture d'un pédigré. Quel rapport avait-il avec sa mère? Alors, sa mère, dans un pédigré, il dit, une jeune fille au cœur sec. Donc, on sent que ses rapports n'ont pas été très durablement des rapports d'un amour total. Et au fur et à mesure de ses livres, il est de plus en plus dur avec elle, et notamment dans Au départ, il est plus dur avec son père, et puis finalement, voilà. Il finit par être plus dur avec elle. Il a quand même, au départ, il a dédié ses livres donc à son frère Rudy, mais aussi à ma maman, hein, quand même. Il y a un de ses premiers livres qui est dédié à sa maman. Et puis au début, quand ses parents se sont séparés, il vivait plutôt avec sa mère, Kay Conti, donc. Bon, c'était des relations sans doute un peu, sûrement très très compliquées, un peu tendues, voilà. Mais en même temps, sa mère, il y a moins de flou, moins de mystère. Autant le père a jamais dit grand chose à son fils sur qui il était, sur ses origines. Patrick Modiano a appris très tard, par exemple, que son père était juif. Autant sur sa mère, il y avait un petit peu moins de zone d'ombre. Biographiques finalement sont pas très intéressantes, mais c'est aussi la manière dont on a des enfants, ce qu'on a, qui vous ont. Parce que évidemment, il y a toujours une démarche d'essayer de rechercher quelque chose ou de des choses énigmatiques ou des choses comme ça, mais puis aussi une sorte de recherche sur le temps aussi, ou sur la disparition, on est prisonnier de l'époque dans laquelle on vit, évidemment, parce que moi je pense que on est très tributaire de sa naissance ou de l'époque où on a vécu, parce que j'aurais préféré écrire des romans comme Thomas Hardy ou qui se passe à la campagne, mais on est un peu tributaire de l'endroit où on est né, des parents qu'on a, enfin, ce qui conditionne un peu le après les livres que vous écrivez, si on avait eu d'autres parents ou si on était au lieu de naître à Paris, si on était là, on aurait écrit des romans différents. Et moi, je suis persuadé que quelqu'un d'autre aurait pu écrire les mêmes livres que moi. C'est tombé sur moi, mais ça aurait pu tomber sur un autre. C'est aussi lié à des choses très précises, les hasards, parce que la littérature que j'écris n'est pas forcément celle que je préfère lire. Enfin, j'aime bien lire des romans je sais pas, des grands romans anglais ou russes qui se passent à la campagne, des choses. C'est tout de même assez fort de Nick Osnard ce que disait ici Patrick Modiano à Sandrine Trainer, qu'on n'est pas libre dans l'écriture, qu'on est destiné à traiter d'un sujet et pas d'un autre. Oui, on rêverait que de lire les grands romans russes ou les grands romans anglais de signer Patrick Modiano. Ouais. Eh ben non, il faut se rabattre sur. Faut se rabattre. Bon, voilà, sur le. Quand même, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Sur le Modiano qui est effectivement né le fruit de cette histoire-là, de cette rencontre improbable entre un juif qui se cachait à Paris pendant la guerre sous un faux nom et puis une flamande qui elle était cornaquée par un officiellement, donc. Et qui s'installent tous les deux au 15 Quai Conti, voilà. Un bel immeuble près de la Seine, un immeuble du XVIIe siècle. Et dans la chambre où on installe le petit Patrick Modiano, il y a eu avant lui d'autres écrivains, François Vernet et Maurice Saxe. Ça n'est pas non plus sans importance, car ce sont réellement des fantômes qui oui. vivent dans cet endroit. C'est en tous les cas comme ça que le petit Modiano, ou en tout cas le Modiano adolescent, le ressent. Ben oui, le Patrick Modiano adolescent qui habite Quai Conti, dans sa chambre, on voit qu'il y a un certain nombre de livres un peu anciens, et puis de Maurice Saxe, de François Vernet, et puis il interroge sa mère, son père, et il comprend que c'est pas tout à fait un hasard s'ils sont là, c'est que ces deux personnes ont vécu juste dans sa chambre d'enfant, pendant la guerre. Et effectivement, c'est des personnages qui, au-delà, voilà, qui ont finalement beaucoup de points communs avec Modiano et avec son fils, puisque c'est des écrivains, l'un comme l'autre. Et ça, c'était publié chez Gallimard. On a un petit peu oublié François Vernet, mais c'était quelqu'un qui avait une importance certaine. Oui, on l'a oublié parce qu'à l'époque, il est mort très jeune. À Dachau, justement, voilà, il a été déporté, voilà. Et puis il est mort un mois, je crois, avant la libération de Dachau. Exactement. Donc c'était des personnages qui, bon, pour lesquels, pour Maurice Saxe, il y avait aussi toute cette question de qu'est-ce que c'est qu'être juif, voilà, un juif. Parce que lui également, tout juif qu'il était proche de l'occupant. C'était plus que proche, oui, bien sûr. Il était ultra. Il faisait à la fois du marché noir. Il était collabo. Donc effectivement, des personnages comme ça de juifs collabos, juifs antisémites, de personnages un peu antinomiques, contradictoires. Effectivement, ça fascinait Patrick Modiano. Et puis voilà, ça, d'autant qu'il savait qu'ils avaient vécu dans sa chambre. Mm. Donc effectivement, c'est des fantômes qu'il a essayé de faire revivre dans ses livres. Alors, les lieux de Patrick Modiano, puisqu'on en parle, il y en a beaucoup, à part ce 15 Quai Conti. Bon, Boulogne-Billancourt, c'est... Ça, c'est juste... C'est la naissance. C'est la naissance, c'est l'endroit où il y avait la maison d'accouchement, où sa maman, Louisa, a donné naissance à Patrick. Alors, peut-être plus important, Jouy-en-Josas. Oui, Jouy-en-Josas, c'est le collège du Moncel. Voilà, ça fait partie des nombreux collèges dans lesquels Patrick Modiano, enfant, a été envoyé. C'est un fugueur professionnel. Voilà, c'est un fugueur professionnel, peut-être pas, mais bon, voilà, c'est sûr que c'est un enfant qui manquait un peu de semble-t-il, d'amour et de repères, et qui expédiait loin de chez lui, ne voyant que peu ses parents, de temps en temps est revenu, effectivement, à Paris sans avoir l'autorisation autre officielle. Internat, à Thônes, en Savoie. Alors là, il était expédié quand même vraiment à l'autre bout de la France. Et on retrouve les traces. Il y a beaucoup de personnages dans ces romans, effectivement, qui vivent à Thônes ou en Savoie, à Annecy. Il y a beaucoup, effectivement, tout ça a nourri aussi toute son œuvre. Et puis, ça a été quand même un moment de formation important, puisque à Thônes, il a eu un enseignant qui s'appelle l'abbé Gilbert Racambray, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire, avec qui j'ai pu échanger, et qui avait été subjugué par ce jeune homme qui faisait des dissertes, qui avait l'air d'être tellement en avance, qui écrivait tellement bien, que il recopiait, ce brave abbé Accambray recopiait les dissertations de son élève. On en dira peut-être un mot juste après la chronique. Je voudrais quand même évoquer Biarritz, Deauville, Villars-sur-Ollon, Monte-Carlo, Bournemouth, Verrier-du-Lac, Rome, Knokke-le-Zoût. Qu'est-ce que c'est que la couleur finalement de cette adolescence trimballée quand même dans tous ces endroits? Voilà, trimballée, vous l'avez dit, c'est ça, c'est une couleur bigarré parce que voilà, il allait de collège en lycée, de vacances, et puis évidemment tout ça, il y avait quand même Paris dans tout ça. Dans, il était trimballé, mais il revenait quand même tout le temps à Paris. C'était quand même le point d'ancrage, Quai Conti où il vivait, enfin où ses parents habitaient et où il avait cette chambre. Et puis les théâtres dans lesquels jouait sa mère et dans les coulisses desquelles il traînait. Allez, on va continuer à parler de Patrick Modiano avec vous, Denis Cosnard. Mais tout de suite, quelques conseils de lecture. C'est la chronique de la compagnie. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est avec vous, Georges Marcabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la librairie L'Atelier, rue du Jourdain à Paris dans le 20e. Un petit préambule peut-être sur Modiano. Est-ce que ça fait partie de vos livres de chevet ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est un auteur qui ne vous touche pas plus que ça? Écoute, c'est un auteur que j'ai pas réussi en tout cas à appréhender d'une manière aussi passionnée que votre invité aujourd'hui. Peut-être qu'après cette semaine. Et peut-être finalement qu'après ça a changé. J'avoue quand même avoir eu un très beau rapport avec cet écrivain à travers son texte qui s'appelle Un pédigré, que j'ai trouvé vraiment très petit texte, mais très beau, en effet. Petit texte, mais très très beau. Voilà. Alors, vous venez de nous parler de quelques romans de la rentrée littéraire, à commencer par celui de François Valéjo, édité chez Viviane Ami, qui s'appelle Hôtel Waldheim. Et oui, moi, François Valéjo, c'est un auteur que je lis depuis très longtemps. J'avais découvert il y a quelques années avec un roman qui s'appelle Madame Angeloso. Madame Angeloso qui se passait déjà dans un hôtel. Il revient, donc presque 20 ans après, quelque chose comme ça, avec ce roman magnifique, Hôtel Waldheim, qui est un roman sur la mémoire, le narrateur Jeff Valderra. C'est très modianesque alors. Eh ben, ça peut être très modianesque, vous avez raison. Jeff Valderra reçoit une carte postale un peu vieillotte, justement, avec une photo d'un hôtel, une petite phrase un peu énigmatique, ça vous rappelle quelque chose, dans un français un peu comme ça, hachuré, un peu blessé. Mais vraiment, ça ne lui dit rien, il reçoit d'autres cartes postales. Et finalement, la personne qui lui envoie sa carte postale, Frida Stegel, est une femme qui va travailler la mémoire de ce Jeff qui, l'été 76, il avait passé 3 semaines de vacances avec sa tante Judith dans cet hôtel. Il a été en contact avec des gens, et notamment le père de cette Frida. Et en fait, ce père, ce monsieur Stegel, qui était professeur en Allemagne de l'Est, avait passé le mur et était quelqu'un qui aidait ses collègues, justement, de passer d'Est en Ouest. On est en pleine guerre froide, n'oubliez pas, 76, le mur de Berlin n'est pas tombé, l'Allemagne de l'Est existe encore, et c'est pas si vieux que ça, finalement. La Stasi existe, enquête, essaye de jouer l'influence. C'est la guerre froide, vécue par un adolescent de 17 ans, plongé dans un milieu complètement désuet qu'est cet hôtel Waldheim à Davos, dans la montagne. On est vraiment dans la montagne magique de Thomas Mann. Et pourtant, il va être au cœur même de ce qui se passe dans la politique et dans les tensions de l'époque sur cette guerre froide. C'est vraiment un roman tout à fait extraordinaire. C'est le 13e et c'est aussi fort que Madame Angeloso. Ah ouais, moi, j'avais adoré celui-là aussi fort que Madame Angeloso. Ouais. Alors, sur les tables également de votre librairie, Georges Marc, on trouve le dernier Antonin Varenne. Là, c'est son 9e roman qui paraît chez Albin Michel sous le titre « La toile du monde ». Alors là, à l'opposé, c'est un monsieur que je découvre complètement. J'ai ouvert ce livre, je sais pas, La toile du monde, ça m'a parlé, j'ai eu envie de me plonger dedans. Et j'ai pas été déçu. On est en 1900, c'est l'exposition universelle à Paris qui va ouvrir. Et là, il nous met en scène Hélène Baumann, une américaine, une franco-américaine, qui décide d'aller couvrir cette exposition universelle pour son journal Le New York Tribune. Elle a ceci de particulier, c'est qu'elle veut défendre une autre forme de journalisme qui vient d'émerger, hein, qui est le journaliste de reportage. Figurez-vous que c'était une nouveauté en 1900, ouais. D'enquêter sur place quand on faisait du reportage. Voilà, ça n'existait pas avant. C'est un peu l'époque d'Albert Londres aussi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, elle vient avec ses pantalons, elle débarque à Paris. Évidemment, une femme qui porte des pantalons à Paris en 1900, je peux vous dire que ça n'est pas passé inaperçu. Hein. C'était pas autorisé, figurez-vous, à l'époque. C'est quand même assez extraordinaire. Et elle va comme ça, grâce grâce à son bagout, grâce à son énergie, grâce à ses convictions politiques, hein, de féministe, de femme engagée, découvrir, on va dire, les dessous de cette exposition universelle, tant du point de vue des nouvelles technologies, hein, c'est l'avènement du métro à Paris, c'est l'avènement... Le trottoir roulant. Du trottoir roulant, le qu'on appelle ça, le moteur à explosion en moteur interne, enfin plein de choses comme ça, mais aussi l'art. Parce que Paris, c'est aussi le lieu de l'art et de l'art contemporain. Et comment, en fait, les bagarres au moment de l'exposition universelle se sont aussi déroulées au niveau de l'art. Voilà, un texte tout à fait étonnant et assez admirable pour comprendre un peu ce qui s'est passé comme enjeu en 1900. Alors, pour terminer, Georges Marc, un mot sur le roman de Frédéric Paulin, La guerre est une ruse, c'est aux éditions Agulot. Voilà, alors là, tout à fait autre chose. On est dans les années 90 en Algérie, et c'est comment la France, la DGSE, veut continuer à garder une influence dans ce pays censé être indépendant, qui fait face à... les élections libres, etc., avec la montée de l'islamisme, hein, c'est à l'époque du GIA, des choses comme ça, voilà. Et donc c'est vraiment un roman d'espionnage sur les entremêlements des forces françaises et algériennes pour essayer de garder le pouvoir en Algérie. Merci. Très étonnant. Beaucoup, Georges Marc, pour ces trois conseils. Et je rappelle à nos auditeurs parisiens qu'ils peuvent se rendre vous voir chez vous, hein, à la librairie L'Atelier. C'est du mardi au dimanche matin, rue du Jourdain, dans le 20e. À bientôt. Et nous continuons cette traversée des premières années de la vie du prix Nobel de littérature Patrick Modiano au cours de cette semaine qui lui est consacrée dans la compagnie des auteurs, avec pour commencer une archive qui date de 2012. L'écrivain répondait aux questions de François Bunel. Avant d'écrire mon premier livre, trop jeune d'ailleurs, vers 16-17 ans, j'avais écrit un manuscrit que j'ai perdu. Alors j'ai dû laisser ce manuscrit il a été égaré, et donc ça m'a fait un drôle d'effet. C'est un peu quand vous débutez, c'est comme un escalator où vous loupez la première marche, alors vous avez toujours l'impression que vous devez rattraper le... Et plus tard, quand j'ai écrit, j'avais toujours l'impression que, comme j'avais perdu ce truc initial, c'est un peu comme un mauvais rêve. Il y avait un truc où... j'avais fait un faux pas, donc il fallait rattraper à chaque fois. J'avais un pas de, c'était une impression un peu désagréable et qui était un moteur. En même temps, quand vous loupez une marche, vous êtes obligé de. Donc ça vous donne un moteur en même temps pour écrire, de commencer par un truc que vous avez perdu. Vous êtes obligé de rétablir un équilibre perpétuel. Ça vous laisse une trace quand même. C'est comme une fêlure initiale qui vous... Parce que c'est quand même impressionnant de perdre, hein, surtout quand on est très jeune. Enfin. Je vous voyais sourire, Denis Cosnard. Qu'est-ce que vous retenez de cet archive qu'on vient d'entendre ? J'adorerais lire ce premier roman perdu. On est à la recherche du manuscrit perdu. On dit souvent que Modiano écrit toujours le même livre. C'est une antienne. Et moi, ce qui m'a frappé, au contraire, c'est l'évolution de cet écrivain. Les premiers textes de Modiano, tels qu'on les connaît, ceux qu'on a pu récupérer, La Place de l'Étoile, donc son premier livre en 68, mais les textes... Il avait 22 ans. Il avait, les quelques textes qu'il avait écrits avant, les dissertations gardées soigneusement par l'abbé à Cambrai, quelques textes qu'il a publiés, un texte sur le LSD en particulier qu'il a écrit dans le Crapouillot, qui était vraiment quelque chose d'assez ahurissant. Ça n'a rien à voir avec les textes qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu une modification. On ne peut pas les lire aujourd'hui et se dire ah bah oui, c'est du Modiano. À l'époque, il écrivait des textes qui étaient parfois complètement hallucinés, un peu délirants, ça partait dans tous les sens. Les personnages vivent plusieurs vies. C'est déjà la place de l'étoile. La place de est étoile, un petit peu voilà, halluciné. Bon, oui, seulement, pardon, enfin, tous les sens, le réalisme est complètement envoyé en pâture. Et puis petit à petit, il a rompu avec ça. C'était aussi un peu un décalque justement de Maurice Sachs, de Céline. Enfin, il avait quand même tout ce bagage qu'il essayait d'assimiler. Et puis petit à petit, il est arrivé à quelque chose de beaucoup plus épuré. Non seulement le fond des textes a changé, les sujets sont pas toujours les mêmes, mais l'écriture a considérablement changé. Alors tout à l'heure, vous avez cité donc ce fameux abbé Gilbert Accambray et la dissertation qu'il avait donnée à la classe dans laquelle se trouvait Patrick Modiano. Le sujet, c'était pourquoi, de tous les souvenirs de l'existence, préférons-nous ceux qui remontent vers notre berceau ? Ça avait beaucoup inspiré Patrick Modiano. Ben oui, et alors on trouve, là j'ai ce texte sous les yeux, effectivement c'est violent, quoi. Voilà. Que vienne donc une nouvelle bataille d'Hernani, en gare et gare ce jour-là aux petits bourgeois du cartésianisme, aux philistins ventrus et imbéciles, nous les bombarderons de tomates jusqu'à ce que mort s'en suive. Entendons-nous bien, nous déclarons la guerre à cet esprit français d'ordre, de mesure, de clarté et brûlons le très infâme Boileau en effigie. Oui, en fait, on reconnaît pas tellement le Modiano, voilà, qu'on connaît. Et alors, il a eu 16 sur 20 quand même. Il a eu 16 sur 20 et ce brave abbé à Cambrai lui a dit « Travail intéressant, les idées sont personnelles, exprimées avec aisance et clarté. Cependant, n'abusez pas de la première personne. Mmh. » Ça, c'est voilà, l'école française. « Et évitez absolument les outrances qui choquent et déparent le reste. Restez bien dans le ton de la dissertation. Ouais. » Mais à l'époque, voilà, des outrances, il y en aura encore pendant des années et des années. Écoutez, je vais vous dire une chose assez troublante, c'est que quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais 22 ans, les gens de mon âge, je me sentais totalement étranger aux gens de mon âge, c'est-à-dire ils avaient d'autres occupations, ils étaient plongés dans des histoires politiques ou ils étaient fascinés par les sciences humaines, ils avaient des maîtres à penser. Le seul fait, moi, d'avoir un maître à penser, déjà, ça m'étouffait, puisque je venais de sortir d'une période où on ne pouvait rien faire. Alors, se retrouver, si vous voulez, à écouter religieusement une sorte de substitut du père que d'ailleurs je n'avais jamais eu et dont j'ai éprouvé jamais le besoin d'avoir. Donc, je me sentais en total, avec les gens de ma génération. Donc, par contre, je pense que les gens plus jeunes, enfin, les gens que je vois maintenant plus jeunes, ils ressemblaient plus ils ressentaient des choses que je ressentais moi déjà. Enfin, c'est difficile à expliquer. Je me sens plus contemporain, si vous voulez, avec des gens plus jeunes qu'avec mes propres contemporains. Et je me sentais quelquefois alors plus contemporain avec des gens plus âgés, des années 30. C'est des mélanges temporaires. C'est très bizarre comme sensation, en fait. Un éternel décalage, vous diriez cela, entre Patrick Modiano et ses contemporains. Il ne peut pas être finalement de plein pied avec son époque, ou alors c'est juste qu'il est atemporel. Non, il n'est pas atemporel. Il est, comme il l'a dit, il est le fruit de son histoire, du terreau dont il est issu. Donc il est très très marqué, au contraire, par le temps. Mais effectivement, ça n'est pas un auteur de science-fiction. Il ne se projette pas dans l'avenir. Il se projette plutôt dans le passé. Effectivement, tout son travail, vous avez intitulé cette émission les spectres, je crois, un travail sur les spectres. Eh bien, oui, on peut dire que tout son travail porte beaucoup sur le passé. Comment on peut faire revenir le passé? Comment on peut faire revenir les morts? Ça, c'est la littérature, mais il y a aussi une manière d'être au monde, oui, qui est en effet comme au-dessus ou à côté. On sait que c'est pas un mondain, par exemple. C'est quelqu'un qui ne sort pas dans les milieux germano-pratins. Par contre, on peut le voir à Paris se promener beaucoup, aller de librairie en librairie. Il y a un côté décalé toujours de Patrick Modiano. Oui, c'est un être à part et un auteur à part. C'est ce qui fait son intérêt. C'est qu'effectivement, on ne peut pas le rattacher à une école, à une vogue, à une vague, à une mode. Il est, très singulier. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de son premier texte, celui du Crapouillot. Oui. Il était intitulé « Je suis un homme seul ». Il a été publié en 1966 dans un numéro spécial LSD. Alors, comment c'est arrivé, ça? Je crois que c'est Janco, en réalité, oui, qui c'est, je crois était que un c'est ami ça. De sa mère. Oui, et qui lui a permis qui vivait avec sa mère et qui lui a donné un petit coup de pouce au départ. Patrick Modiano était un élève ou un étudiant un peu fantôme, là aussi on parle de spectre, un peu timide en tous les cas. Oui, un peu à côté du monde, voilà, c'était pas, on peut pas dire qu'il ait fait mai 68 par exemple, voilà, il était là aussi, il est passé un peu à côté de ça. Pour quelle raison d'ailleurs, est-ce qu'il en a parlé? Non, mais il était c'était pas son truc, quoi, vraiment, ce qu'on vient d'entendre le dit clairement. Il était dans autre chose, il était déjà dans l'écriture, donc il écrivait des chansons, il a écrit des textes, ses premiers livres, et puis effectivement Janco lui a donné un petit coup de pouce pour Janco a, je crois, coordonné ce numéro du Crapouillot sur le LSD, qui était la grande drogue en vogue à l'époque, et Modiano a été amené à écrire un texte qui là aussi n'est pas du tout un essai sur le LSD, qui n'entretient, on va dire, c'est un essai assez halluciné tout de même. Oui, ça n'entretient qu'un lien assez lointain avec le LSD. C'est une sorte de fiction complètement, effectivement, hallucinée sur une sorte de camp de concentration où on mettrait tous les jeunes gens. Voilà, c'est une critique de la société de consommation, si on veut rattacher ça à cette époque, mais très grinçante, et où les capots, les petits chefs qu'on trouvait dans les camps de concentration sont remplacés par Françoise Hardy et les yéyés. Voilà, oui. Donc c'est un truc un petit peu... Nos capots de charme, c'est comme ça qu'ils les appellent. Capots de charme, voilà. Mmh. C'est extrêmement grinçant. Pour l'époque, je pense que les gens qui ont lu ça, les rescapés de la Shoah qui ont lu ça, ont dû avoir des sueurs froides et des cris d'indignation. Et puis ce qui est drôle, c'est effectivement que 2 ans après avoir écrit ce texte, il écrivait une chanson pour Françoise Hardy. Alors on va en parler de cette chanson pour Françoise Hardy. Il y a une volonté de choquer quand même à ce moment-là, oui, chez le jeune sûr, Patrick Modiano. Bien sûr, disait l'abbé à Cambrai, bien oui, il y a ce jeune homme seul, il a envie de parler, il a envie qu'on l'entende, donc effectivement il y va fort, il y a des outrances, et petit à petit il les éliminera d'ailleurs. Dans la place de l'Étoile, il y a des tas d'outrances qu'on trouvait dans la première édition, et puis que au fil des éditions il a un petit peu raboté. Ah oui, parce que ça il faut expliquer tout de même que le texte de la place de l'Étoile qu'on lit aujourd'hui, si c'est une édition qu'on achète depuis 1985, c'est pas exactement le même texte que celui qui a eu le prix Mémé en 1968. Voilà, il a quand même été adouci. Oui, il a été adouci. Il y a un certain nombre de saillies contre son père, contre des écrivains de l'époque, des trucs un peu homophobes ou qui pouvaient être sentis comme homophobes, antisionistes. Enfin bon, c'était un texte d'une très grande violence. Donc il a un tout petit peu au fil des éditions, effectivement raboté, édulcoré. Est-ce que justement le fait qu'il ait eu ce prix Nimier, on sait que Nimier était un écrivain très lancé, mais enfin aussi un jeune écrivain très à droite. Oui. Est-ce que cette reconnaissance par les jurés du prix Nimier peut classer d'une certaine façon le jeune Modiano, le Modiano de 21, 22, 23 ans? Il est difficile à classer quand même. S'il y a un écrivain difficile à classer, c'est bien lui. On peut pas le classer parmi les hussards, voilà, même si... On serait tenté de le classer parmi les hussards, vous croyez? Non, je crois qu'il est... Il a emprunté, lui, à beaucoup de gens au départ. Il a emprunté à Proust, à Céline, à Maurice Saxe, à Nimier, voilà. Dans la place de l'Étoile, il a réécrit beaucoup de textes, hein. On sent que tout ça affleure, il y a des pastiches, mais... Finalement, il s'est très très vite dépris de tout cela. Il a tracé sa propre voie avec Janco, qui aurait pu être aussi une filiation. Il a rompu. Janco avait écrit la préface de La Place de l'Étoile. Et puis, dans les éditions suivantes, Patrick Modiano a supprimé cette préface. Donc, oui, très vite, il a pris son propre chemin. Alors, les capots de charme. Parmi ces capots de charme, il y avait Françoise Hardy. Et Françoise Hardy a chanté une chanson écrite par Patrick Modiano. On l'écoute tout de suite. marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des poires, et des lames de rasoir, et donnez-moi. C'est la période Modiano chansonnier. Bon, c'est en même temps qu'il écrit cela, qu'il publie dans le Crapouillot ce texte dont on a parlé, où il ménage assez peu les chanteurs du moment. Voilà. L'ambiguïté, peut-être. Oui, oui, c'est quelques années après, en fait, il a écrit sa chanson. Oui, il y a eu toute une période sur laquelle Modiano, effectivement, a vraiment tourné la page, durant laquelle il a écrit toute une série de chansons. Il en a écrit quand même plusieurs dizaines avec son ami Hugues de Courson. Donc le fameux Hugues de Courson. Voilà, ils étaient ensemble au lycée. Ils se sont retrouvés en Hippocagne au lycée Henri IV à Paris ensemble. Ils étaient super copains. L'un faisait la musique, l'autre les paroles. Ils ont cherché à placer leurs chansons, et puis ils ont réussi à en placer quelques-unes. Donc cette chanson, Étonnez-moi Benoît, qui a été un tube. L'aspirateur, voilà. C'était pour Zizi Jeanmaire. Vous voyez, voilà, il y a eu Zizi Jeanmaire, il y a eu Régine, et enfin il y a eu plusieurs chanteuses assez connues de l'époque qui ont chanté. Ils auraient aimé en placer une auprès de Sheila, mais vraiment c'était quand même tellement deux univers aux antipodes que ça n'a pas pu se faire. Myriam Anisimov, qui est maintenant écrivaine, a aussi eu sa période chanson et a chanté des chansons de Patrick Modiano. Et dans toutes ces chansons, il y a des choses bon qui ne sont pas déterminantes, mais il y a quelques petits bijoux qui mériteraient d'être retrouvés et écoutés. Ouais. Alors bon, évidemment, c'est quand même pas le plus important, hein. On va pas s'arrêter trop longuement sur les chansons, surtout à cette époque, 1966, où il fait paraître donc La Place de l'Étoile. 68. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. 68, pardon. Il l'écrit en 66, mais effectivement, il a fallu 2 ans pour que ça soit publié. Et là, il faut signaler quand même que c'est Raymond Queneau qui fait passer le manuscrit chez Gallimard. Raymond Queneau, c'est une sorte de parrain, finalement, pour Modiano. Oui, ça fait partie des pères en littérature, disons, de Patrick Modiano. Il l'a rencontré parce que, voilà, sa mère, donc, était comédienne à Paris. Elle jouait beaucoup au théâtre et un petit peu au cinéma, dans des petits rôles. Mais, voilà, elle était dans le petit monde de Germano Pratin. Donc, elle connaissait très bien Raymond et Jeannine Queneau. Elle a même demandé à Queneau de donner des cours de maths et de géométrie. Il était très mauvais en maths. Petit Patrick, bah oui, mais voilà, Patrick Modiano s'est souvenu quand même que Raymond Queneau lui avait donné des cours de géométrie dans l'espace. Et voilà, quand Modiano a fini son texte, son premier manuscrit, ou peut-être son deuxième, si on comprend qu'il y en a un premier qui a disparu, voilà, que Queneau l'a porté effectivement au comité de lecture de Gallimard, tandis que Jeancourt le transmettait au Seuil. Mais voilà, c'est finalement Gallimard qui a publié ce premier roman, en le faisant un peu patienter, parce qu'entre temps il y a eu la guerre des 6 jours et que un sujet lié à Israël c'était trop sensible. Et ça a gêné un petit peu un certain nombre de lecteurs. Voilà, et puis finalement c'est sorti en 68. Et on parlera demain plus largement de l'œuvre de Patrick Modiano. Merci beaucoup, Denis Cosnard. Je rappelle votre ouvrage, Denis Cosnard, Dans la peau de Patrick Modiano. C'est aux éditions Fayard. Et puis, je signale que cette émission, évidemment, a été préparée comme chaque jour par Stéphanie Vélin, Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault. Et qu'à la console, aujourd'hui, il y avait Élise Leu. Demain dans la compagnie des auteurs, c'est le parcours de l'œuvre avec Bruno Blankmann. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast.